parlando de comme jamais la B. Bye bye, bye. La B. C'est nous la B. On parle de la maison comme jamais la B. C'est nous la B. On commence par où? Je termine ou pas? J'ai RDV avec mon gourou. Trafic de sub dans les locaux du check. Arrache ta mère comme au feu rouge. Drive à Sarah sur un deux roues. Je vais les marquer comme au fer rouge. Chez soi toujours, on s'arrête pas. Les petits fils de pute nous rendez-vous pas. De midi à minuit, à Scarpé sur le raté. La rue je connais, moi j'ai grandi dedans. Le temps c'est du papier, le temps c'est du papier. Dorénavant je fais du trafic dedans. La maison en contrôle c'est normal. Nous on casse des gueules juste pour casser des barres. Maintenant j'ai plus le temps d'allumer. J'appelle un petit peu, un flingue et je passe les 5 bars. Hé, hey, pas t'arrêter. Quand on violent comme RERD. Violent comme Green et G2. Chez nous on déteste le 1er mai. Y'a pas d'argent, tapine la farine ou vend quelques pains, ça te donnera du blé. Merci, je connais pas le travail et pour mon bien, ces fils de pute, attends pas ta dureté. J'suis le boss, c'est qu'il teste, on croit ta tête, mon gosse. Ira pour les mecs, c'est écrire leur texte avec du gloss. Je défends ma cause, je défends ma cause. Pro Black Luther, Malcolm Mandela, Tupac. William Thomas à la réa, j'suis chez Ibra au 50 corps. À l'heure où je te parle, je suis devant le maille. Y'a des fils de pute en bas de chez moi. Je suis dans les dents. Les dents en argent depuis l'adolescence. Depuis le début je suis convalescent. Les puristes détestent mes lyrics. Les petits PD me critiquent. Mais comment on fait ci, mais comment on fait ça. Mais comment fait-il ego, quels sont ces gris-gris. Le game, voilà je connais. Depuis tu peux entourer de gros bonnets. Tu connais, frère je reconnais. J'ai appris à faire de la monnaie. J'ai appris à faire de la monnaie. Je contrôle la neuseau comme jamais. Trace de sperme sur mon pyjama. J'ai jamais tapé la gamelle. Pourtant je vole depuis gamin. Jamais connu la dérime. Pourtant je roule dans des gamos. Charlie, Fatos, Locos. Dorénavant c'est moi le patron. Charlie, Delta, Charlie. Pourtant c'est que t'avances patron. William Coma à la réa. Squad. J'suis chez Ibra au 50 corps. À l'heure où je te parle, j'suis devant le maille. Y'a des fils de pute en bas de chez moi. Murder, murder, murder.